Tu veux un thé ? Ouais, avec plaisir. Merci. Bon, alors raconte-moi comment ça va au boulot. Ça va. Enfin bon, tu sais, comme toujours, quoi, il y a des hauts et des bas. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas réglé le problème de l'écoute qu'on porte à la voix de la femme. Ah, mais c'est drôle que t'en parles. Écoute, j'ai relu récemment des carnets de notes que j'avais écrits quand j'étais étudiante en paysage à Blois. C'était pendant le confinement du Covid-19. Et tu te souviens ? Ouais. Et j'évoquais justement le fait qu'on avait mis un peu la lumière sur les conditions des femmes. Soit parce qu'elles étaient maltraitées ou sous-payées, ou soit majoritairement recrutées sur des métiers du care, parce que justement, bah, on considérait les femmes comme nées pour ça, parce qu'elles sont gentilles, parce que l'attention portée aux gens, c'était naturellement féminin. Waouh ! Ah ouais, c'est vrai qu'on oublie vite comment c'était avant. Hein. Ouais, c'est étrange, hein. Et à l'époque, on s'était dit que l'après-confinement allait certainement changer la considération portée aux femmes, qu'on allait un peu plus leur donner la parole. Et ça a été le cas. Tu veux dire avec la loi Olympe de Gouges ? Oui, enfin, pas seulement. Après, c'est vrai qu'elle a aidé à valoriser quand même les métiers qu'on avait appelés invisibles pendant la pandémie. C'est vrai que je pense que les femmes ont gagné quand même en visibilité et en reconnaissance dans leur boîte. Et puis c'est vrai qu'on a un petit peu revu nos jugements sur des métiers, comme les auxiliaires de vie par exemple. Ma nièce, elle a fait ça, et justement, elle me disait que depuis la pandémie, elle avait vraiment des meilleures conditions de travail, que les gens la complimentaient, et que ses employeurs étaient reconnaissants. Et en plus, c'est vrai qu'elle a le salaire d'un kiné, ce qui est quand même bien. Ah oui, c'est vrai que cette période a pas mal fait bouger les choses, ouais. Oui, mais en fait, tu vois, c'est pas tout à fait à ça que je pensais. En fait, tu vois, la loi, elle a vraiment permis de systématiser des programmes de mentorat qui ont boosté l'accès aux postes de direction par des femmes, et après, elles ont pu améliorer la visibilité du point de vue féminin. Et tu vois, c'est aussi cette loi qui a fait qu'il y a eu tous ces audits sur la sécurité des femmes et des enfants dans les transports publics, et même sur les transports quotidiens en dehors des transports en commun. Je me souviens qu'on avait même participé à plusieurs de ces audits, et il y avait même les enfants qui avaient donné leur avis. Et au final, tu vois, ça avait débouché sur les arrêts à la demande sur les parcours de bus la nuit. Tu t'en rappelles ? Ah oui, c'est vrai ! Oh, j'oublie avec le temps. C'est la vieillesse. Mais en revanche, je me souviens bien de l'opération Vélo-Dacieuse. Ouais, on était... Tu te rappelles ? Ouais, on était allés jusque dans les mairies de Alfortville, et puis Paris 20, on était passés par Maison-Alfort, la mairie du 12e. Ouais, c'était pour dénoncer le manque d'égalité homme-femme dans les mairies. C'était à ce moment-là, je crois, en 2020, ou juste après. Non, c'était en 2020 ? Pouh, mais ça passe vraiment vite. Tu te rends compte, c'était quand même il y a 30 ans. Je sais, c'est dingue. Ces carnets m'ont toutes chamboulée, je te jure, ça me fait me sentir vieille. Non, mais non. Enfin, en même temps, il a quand même bien fallu 30 ans et pas mal d'énergie pour que toutes les choses évoluent. Et puis, ça t'a permis de contribuer à tous les projets à la mairie. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que les jardins de la parole ont toujours existé, par exemple. Mais quand je me remémore le projet, en fait, ça a mis des années à voir le Attends, les jardins de la parole, c'est le parc où des sessions de groupe de parole sont organisées toutes les semaines pour venir en aide aux personnes en souffrance, non ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. Tu sais, on nous avait demandé de faire un square, au début. Et puis, en collaboration avec les assos de femmes maltraitées, on avait poussé l'équipe municipale à en faire plutôt un jardin avec assez d'intimité pour que puissent s'y dérouler les groupes de parole. Et puis, les gens ont bien accroché. Je sais pas, je sais jamais si on peut vraiment se fier aux études ou si on a participé aux résultats, mais on avait reçu des statistiques qui montraient que les violences conjugales avaient diminué de moitié en 10 ans dans le quartier. Du coup, c'est plutôt positif par rapport à ce que j'avais écrit il y a 30 ans. Non, mais regarde ce que je t'ai amené pour te remonter le moral. Des petits muffins chocolat blanc framboise, et c'est mon mari qui les a faits. Ils sont...